La maison d'édition brésilienne San Paulo Nova Cultura a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant Kim Jong-il, Le socialisme est une science. Le service de parution a eu lieu à l'université de San Paulo.